les deux doigts, pas les deux doigts, pas les deux doigts, je n'ai pas la prétention de parler de toi, parler de toi, parler de toi, je n'ai pas la prétention de sauver tous ces gens. Yeah. Parce qu'il paraît que c'est la thune qui les rend dingues. Un amour illusoire accompagné d'un flingue. Parce qu'il paraît que ton but dans la vie c'est nous. Pourtant c'est juste toi que l'on voit avant tout. Parce qu'il paraît que tu as la paix dans le sang. Que tu crois faire le bien sans vouloir la reconnaissance. Tout ce surtout de mon destin ne te ressemble pas. Tu n'as que de la politique qui rassemblait les voix. Parce qu'il paraît que c'est l'islam qui fait des morts. Que les sionistes sont juifs et qu'ils peuvent décider d'un sort. Parce qu'il paraît que la PNL est là pour nous instruire, et qu'elle est bonne pour éduquer, mais elle me fait vomir. Arrête de nous faire chier avec tous tes mythos, et nous prendre pour des cons, et ça à l'aide de ton ego. Tout ce surplus de mon esprit ne te ressemble pas. Tu n'as surplus la politique qui rassemblait les voix. Je n'ai pas la prétention de parler de droit, parler de droit, parler de droit. Je n'ai pas la prétention de parler de toi, parler de toi, parler de toi. Je n'ai pas la prétention de sauver tous ces gens. Yeah. Et gratter de l'espérance même si j'ai pas pied. Car le sol sent ma présence de toutes ces années. Et le temps prend tout son sens quand tu as peiné à penser jeter la chance. On est tous frères quand on parle de l'utopie. Mais quand on s'accroche à nos vies on en est fiers. Quand on s'accroche à nos cœurs elles deviennent réalité. Je n'ai pas envie de vivre pour rêver les yeux fermés. De peine et d'ignorance ils peuvent gérer nos foies. Mais ta peine et ta souffrance je t'assure garde là pour toi. On en a marre de toutes vos balivernes. Le monde se porte mieux depuis que l'Afrique a dit merde. Et je la suis dans le combat. Et j'ignore les coups bas. Mais de tous ces enculés qui nous dirigent, qui dressent le bras. Je n'ai pas la prétention de parler de droit, parler de droit, parler de droit. Je n'ai pas la prétention de parler de toi, parler de toi, parler de toi. Je n'ai pas la prétention de sauver tous ces gens. Yeah. Si on s'empêche de mourir et ça au lieu d'apprendre à vivre on est encore. Si on s'empêche de mourir et ça au lieu d'apprendre à vivre on est en tort. Je n'ai pas la prétention de parler de droit, parler de droit, parler de droit. Je n'ai pas la prétention de parler de toi, parler de toi, parler de toi. Je n'ai pas la prétention de sauver tous ces gens.